La réunion pour la remise du message de félicitations adressé par le comité central du Parti du travail de Corée aux ouvriers, techniciens et cadres de la fabrique de pompes d'Anju a eu lieu le 12 septembre sur place en présence de Park Tae-sung, président du comité du parti pour la province du Pyongan du Sud et du personnel de l'usine. Rappelons qu'ils ont achevé avant terme l'objectif de la campagne de 200 jours avec la primauté de la capacité de se renforcer eux-mêmes et l'esprit d'application à outrance. Park Tae-sung a lu le message qui dit « Le comité central du Parti du travail de Corée apprécie haut les ouvriers, techniciens et cadres de l'usine qui sont à la tête du secteur de l'industrie de construction des machines d'extraction en marquant chaque jour de la campagne des succès d'innovation avec l'esprit d'attaque du bec tout et la primauté de la capacité de se renforcer eux-mêmes. »